tu le pays des oranges d'or, des citronniers en fleurs, des ciels enchanteurs, des cyprès hauts et forts, dans la douce chaleur. Il n'est pas de sortilège, de maléfice, de sort de piège, même affronté la nuit, le vent ne peut séparer les amants. Connais-tu la grande maison au toit tourné vers le levant, la chambre claire toute saison, les verres et le piano chantant. Il n'est pas de sortilège, de maléfice, de sort de piège, même affronter la nuit, le vent ne peut séparer les amants. Sentier où il fait bon flâner dans les sombres forêts,